je perds la mémoire. C'est un peu flippant et j'oublie même ce que je croyais important. J'oublie tellement vite qu'il faudrait tout noter. Mais ces foutus post-it, où est-ce que je les ai collés? J'oublie ce que je voulais dire avant d'avoir fini mes phrases. Et à chaque fois ah merde. Mais tout ça c'est rien, puisque je me rappelle que je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Je perds la mémoire, je me suis fait une raison. Mais va savoir si je me souviens de mon prénom. Tu peux bien m'appeler Gérard, je te suivrai au bout du monde. Tu peux m'appeler connard, j'oublierai dans 20 secondes. Comme c'est si facile d'oublier les galères de thunes. Et que c'est même pas possible de décrocher la lune. Comme j'oublie que j'ai l'air d'un con à gueuler mon amour. Si je suis con, est-ce que j'oublierai un jour que je suis fou de toi? Je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Je l'ai sûrement déjà dit, mais pourquoi l'espoir s'est pas barré aussi? Car si ma mémoire fout le camp, j'oublie pas l'essentiel. Ça fait déjà 2 ans que j'attends que tu me rappelles. Alors je voudrais bien finir amnésique pour oublier enfin que je suis pathétique. Avec tout ce que je bois pour noyer mes souvenirs, je n'arrive toujours pas à effacer le pire. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Tu te fous.